Donc, dans le précédent podcast, nous parlions de Clodion, et évidemment qui se remémorait ses ancêtres illustres, comme le fameux général franc Richomer, général pour le compte des Romains, et son propre père qui avait été consul et qui s'appelait Théodemir. De son côté, Argote donnait le sein à son petit Clodoald. Ses pensées vagabondaient des bords du Rhin où luisait la pleine lune aux épaisses forêts de son pays natal et aux ruines émouvantes de sa ville de Cologne, ancienne capitale de la Germanie romaine. Sous le regard jaloux de son père Pharamond, elle y avait vécu une enfance paisible. Si Pharamond avait parfois servi comme auxiliaire dans les légions romaines, l'idée d'y faire carrière ne l'avait jamais tentée. Après ses années de service, il se retira dans sa ville de Cologne, de l'autre côté du Limès donc, mais sans rancune. Son expérience avait été riche d'enseignements. En effet, il avait été témoin de la remarquable habileté législative des Romains. Leur légalisme l'impressionnait. Il y avait de quoi, car ils arrivaient toujours à imposer l'ordo Romanorum à tous par leur manie de tout vouloir organiser. Or, qu'y a-t-il de plus anarchique qu'une troupe auxiliaire qui ne comprend ni le latin, ni les mœurs, et dont le solde est si bas qu'il faut après chaque bataille se payer sur la bête? Pourtant, ces Romains surent les faire entrer dans le rang. Cela n'avait pas été sans tâtonnement. Pour limiter les excès de ces troupes barbares, les officiers avaient utilisé tous les artifices possibles, persuasion, séduction, compensation, sans succès. Finalement, un jour, on décida de promulguer une loi élaborée entre les officiers des troupes régulières et ceux des troupes auxiliaires. Et pour donner plus de solennité à ce moment, on procéda au sacrifice d'un taureau en l'honneur de Mars et de Minerve. Pharamond, en sa qualité de gradé, bien que ne sachant pas écrire le latin, avait fait partie du groupe de travail qui avait produit ce texte de 65 articles sanctionnant les excès des soldats auxiliaires. Il avait veillé à ce que les punitions ne fussent pas trop sévères, et en conformité avec la coutume franque, donc il avait veillé à ce que les punitions ne fussent pas trop sévères, et en conformité avec la coutume franque. Alors, en fait, ce que nous reconnaissons là, derrière les lignes, c'est évidemment l'embryon, disons peut-être le premier projet de loi salique. Quatre des officiers francs les plus gradés apposèrent leur nom, et pour que le texte fût respecté, il devait être revêtu d'une autorité royale. On cita un roi franc dans le préambule, sans le nommer. Une des raisons du retour de Pharamond dans sa terre natale de l'autre côté de la frontière fut en partie causée par ses compatriotes francs inféodés à Rome. Majoritairement saliens, ces francs n'avaient pas cessé de le décevoir par leur comportement servile. Comment pouvaient-ils oublier si facilement leur participation glorieuse à la bataille de Teutoburg aux côtés d'Arminius? À chaque fois, c'était pour entendre des remarques comme « C'est un chatte qui a offert à Tibère d'empoisonner Arminius », rappelant que les chattes sont leur ascendant direct. La fierté qu'ils affichaient lorsqu'un général franc sous l'uniforme romain avait vaincu d'autres francs était obscène. Enfin, ils se souvenaient trop bien des reproches justifiés de ses cousins Marcomyr et Sunon lorsqu'il avait décidé de combattre dans les légions. Il s'en voulait beaucoup, et comme à l'époque où sa fille rêvait sur les bords du Rhin donnant le lait à son premier-né, en cette nuit de pleine lune, il était encore jeune, il réfléchissait à un moyen de se racheter. Argote regardait le reflet de la lune dans l'eau létale du fleuve. Son bébé dort. Un vent froid et salé vient de la mer. Elle ne peut se retenir et veut se plonger dans le Rhin. Elle part avec quelques servantes, en cachette de son mari, ce qui rend l'expédition plus amusante, et avec la complicité de quelques gardes attendris. Elle sait nager et pense faire quelques brasses sous les rayons de l'astre divin. Bientôt, son corps d'albâtre se laisse glisser au rythme du courant, comme une écume perdue des étendues liquides. Elle sent parfois comme un courant contraire qui lui fait remonter le fleuve, C'est la grande marée. L'eau est saumâtre. Alors qu'elle s'apprête à s'en retourner, elle est intriguée par une forme noire, qui est, à l'inverse de tout ce qui miroite sous l'eau, absorbe la lumière. Cette forme devient bientôt une vague, plutôt une colline liquide sous laquelle remuerait une ombre. Elle reste fascinée. La montagne s'apprête à l'engloutir. Elle ressent et la peur et un frisson délicieux. Jusqu'à ce qu'elle devine, sous la muraille d'eau, deux yeux brûlants, une queue de requin, une tête de roc, surmontée de cinq cornes, un mufle luisant exsudant de la vapeur, elle croit entendre un gémissement animal se confondant au bruit de l'eau troublée. Elle ne bouge plus, elle est là, offerte, sans conscience, noyée. Combien de temps cela a-t-il duré? Est-ce un rêve ou la réalité? Argote et ses compagnes gardent le secret. On signale ce soir-là qu'une vague particulièrement importante serait remontée de la mer. Il ne s'est rien passé. Tout est oublié. Quelques semaines plus tard, elle reconnaît les signes. Elle est enceinte. Par prudence, alors qu'elle n'est pas censée s'unir à son mari lorsqu'elle donne le sein à son enfant, elle transgresse l'interdit, malgré les critiques de sa duègne. Ainsi, je pourrais attribuer cette naissance à mon mari, se dit-elle. Même si la grossesse semble bien se passer, son angoisse augmente. Une de ses compagnes pourrait toujours la trahir, même involontairement. Et puis, quelle était cette étrange créature? À quoi va ressembler l'enfant? Qu'ai-je fait de mal pour mériter ça? Argote n'a jamais autant prié dans ce temple en bois à l'extérieur de l'oppidum, près du bosquet sacré. À force, elle se lie d'amitié avec le vieux prêtre. Aveugle, au terme de son âge, le vieil homme sait écouter et consoler. Elle lui révèle tout. Que dois-je faire? Dois-je tuer l'enfant? Est-ce une malédiction? Le vieil homme regarde loin, le soleil qui meurt à l'horizon, réfléchit. Puis, comme l'aide divin, lui révèle le sens de son expérience nocturne. Le dieu de la mer t'a choisi. Neptune a envoyé un de ses fils, ce Kinotaur, pour te féconder. Réjouis-toi, tu es l'élu du dieu des océans. L'enfant que tu portes est appelé à une grande destinée. Elle aurait bien voulu l'assaillir d'autres questions que son jeune cœur faisait déborder en elle, mais le vieillard s'empara d'une harpe et, levant ses yeux fixes vers les hauteurs inconnues, se mit à chanter dans une langue étrange. Élue, destinée? S'interroge la jeune femme alors qu'elle quitte la hutte du prêtre qu'entourent quatre lauriers. La suite dans le prochain podcast.